Bonjour, je suis aussi bien de refaire un deuxième direct. L'autre, ça n'a pas duré longtemps. J'ai été interrompu par un téléphone. C'était justement mon avocate. Bon, ben là, je l'ai rassuré. Je inquiétez-vous pas, là. Ben, elle va être payée pareil. Voyons, là. Il n'y a pas. Là, c'est dommage. On aurait pu avoir un règlement, blablabla. Bla. Ben oui. J'en ai plein le cul, moi, de me traîner dans une autre ville à 1 heure d'ici pour aller me défendre devant du monde qui n'a pas de tête, une gang de corrompus, puis qui n'ont pas honte d'eux autres. Fait que là, j'explique, je dis pas non, c'est pas grave. Elle va être payée pareil, elle-là. Il n'y a pas de raison de. Bon, en tout cas, il reste que. Ouais, ça me choque pas mal. Mais il reste que par rapport à tout ça, c'est vraiment généralisé. Je veux dire. Voyons, eux autres, ils font des travaux. C'est le temps. C'est réellement généralisé. C'est de la. Vraiment, je veux dire, ça s'amplifie. Regardez ce qui se passe là en Ukraine. Depuis 2008, dans le fond, bonjour, ben oui. Bonjour Camille Lindus. Depuis 2008, la crise, ça continue, je veux dire. Tout ce qu'ils ont fait, c'est imprimer de la monnaie de singe en attendant. Donc, c'est certain qu'il allait y avoir une crise d'inflation à un moment donné. Puis là, ils ont essayé de faire le plus de cash possible avec leur histoire de COVID. Puis là, il faut qu'ils couvrent leurs traces. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver en Europe? Vous allez avoir une guerre. Ils vont essayer de tout recamoufler ça parce qu'ils savent qu'une guerre qui s'en vient était déjà planifiée comme le reste. Fait que vous avez. Ursula von der Leyen, qui était, je veux dire, cette bonne femme-là devrait être lynchée par la foule, si les gens comprenaient réellement de quoi il est question. Ça n'a aucun bon sens. Bonjour, Marie-Jeanne. Donc, il reste que ça donne quoi, là, en attendant? C'est comme là, vous savez, juste avant qu'il y ait la pandémie de COVID, je me rappelle plus si c'était à TVA ou Radio-Canada, il y avait un programme qui s'appelait Pandémie. Ben oui, là, à cette heure, à TVA, ils ont un programme avant le crash. Oh, ben oui. Hey, t'as pas mis en ligne ton précédent direct? J'ai pas pu entendre la réponse à ma question. Oh, ben, il est en ligne, mais je veux dire, il est pas sur mon affaire. Salut l'oiseau moqueur. Leyen plutôt. Ben oui, Ursula von der Leyen, c'est du monde dangereux. Vous avez affaire à. Du monde qui, c'est des psychopathes. Ils n'ont aucune empathie, aucune. Puis ils sont en train de planifier ce qu'eux, ils pensent. Ils se pensent qu'ils ont de une grande valeur. C'est des planificateurs, eux autres. Ils gèrent la vie humaine sur Terre. Puis là, ils sont en train de préparer une guerre. C'est vraiment ça qui s'en vient, là. Puis de toute façon, ça avait été prévu qu'il y aurait 3 guerres. Puis bon. Puis ils vont se servir de cette guerre-là pour camoufler toutes les conneries qu'ils ont faites. Pour cacher toutes les malversations, toute la collusion qu'ils ont faite sur le dos des gens, dans le fond. Donc, je ris, mais c'est pas drôle. Bonjour, Salade, Denis, Solange, Richard, Jordan, Mimi, Datimira, bonjour, ben oui. Donc là, par rapport à, comme là, en ce moment, vous avez vu, là, l'OMS, c'est drôle, c'est fini la pandémie. Ben oui, c'est pour créer un effet de surprise, hein? Puis même là, déjà, il y a des gens qui sont en train de nous expliquer, ben, c'est dangereux, là, à dénomme, là, Ghebreyesus patente, ce qu'il dit, parce que c'est pas fini. Ben non, on s'en doute que c'est pas fini. Ils n'ont pas pressé le citron comme ils voulaient tant que ça, là, par rapport à ce qui vient. Puis bon, sommes-nous programmés avec ce dos supramental? Ben oui. Dans le sens, ça ne peut pas venir de l'individu, ça ne peut pas venir de l'ego, ça nous tombe dessus. Pensez-vous que c'est ça que je voulais faire de ma vie? Ben franchement, que je voulais vivre à dormir sur un matelas à terre, tu sais, je veux dire, parce que j'ai des principes dans le fond, puis que justement, bon, les résidences de personnes âgées, je ne veux pas que du monde de ma famille finisse là-dedans. Il n'y en est pas question. Mais en attendant, c'est difficile de construire quelque chose, je veux dire. En tout cas. Le décodeur, l'écho, ils expliquent super bien. Ben oui, mais on a plein de monde qui explique, puis qui explique. Ben oui, mais il n'y a rien à rendre public, dans le fond, c'est tout su, c'est tout connu, c'est tout en pleine lumière, comme quand bien même qu'on l'expliquerait. C'est comme vous êtes tombé dans une fosse sceptique, là, vous avez de la merde par-dessus la tête, puis il arrive des gens qui vous l'expliquent. Je veux dire, ça va donner quoi, là? On sait tout ça. On sait tout ça. Ça change pas. Je veux dire, ça fait depuis les alentours de 1914, dans le fond, que c'est la même façon d'agir, d'instrumentaliser les crises. Bon, oui, ça nous tombe dessus. Pas moyen d'y échapper. Merci bien. Ben oui. Pensez-vous que moi, mon but dans la vie, c'était pas de faire, de passer pour un fou? Que c'est ça que je voulais faire? Dans le fond, heureusement qu'il y a d'autres forces, il y a d'autres affaires qui décident à ma place. J'aurais jamais choisi ça. Puis bien franchement, pensez-vous que je préfère être là à crier à l'injustice que dans le fond, si c'est juste mon ego psychologique qui avait entré en ligne de compte, aujourd'hui, ben probablement que je ferais partie des pourris, puis que je mépriserais le monde, puis que je les verrais pas, je verrais pas le monde, je saurais pas c'est quoi un humain. Donc, d'une certaine façon, oui, mais ça se paye. Moi, je trouve que ça coûte cher en maudit de la crise de conscience. Je trouve que moi, je trouve ça pas mal dur. Je trouve ça pas mal dur. Je préférais être comme le cave que je poursuivais, qui est venu au monde millionnaire. Et lui, il s'en calisse, il n'en a pas de conscience, il s'en fout. C'est bien plus facile que quelqu'un comme lui. Par contre, mais qui creve, il va crever de la même façon qu'un chien creve. C'est-à-dire qu'il restera plus rien. Donc, je me doute bien qu'on s'en va pas à la même place. Mais il reste que, bon. Donc, ça ne reste qu'une programmation. Donc, on ne peut pas échapper aux programmations. Ben non. Y a-tu de quoi dans l'univers manifesté qui n'est pas programmation? Tout est programmation. On n'y échappe pas. Puis, c'est pas drôle, ça. Avant, le monde, il prenait des mots pour parler de ça. Il disait, ah, c'est le destin. Ou la fortune, il parlait des forces dans l'invisible, dont on est des pions. Ben oui, on est des pions. Ben franchement, à un moment donné, là, moi aussi, j'ai un psychologique. Moi, c'est dur, très exigeant. Ben oui, c'est très exigeant, certain, parce qu'il n'y a rien de plus ingrat que ça. La conscience, ça vous enlève tout. Ça vous enlève tout. On se ramasse que on n'a plus d'intérêt pour rien, puis on n'a plus d'ambition. Dans le sens que quand tu le vois dans quoi on est, tu n'as pas d'ambition de grimper là-dedans. Ça ne te tente pas. Ça coûte très cher, c'est de gros sacrifices de respecter ses valeurs, mais on ne peut pas faire autrement. Moi non. Moi non, je vais mourir sur mes deux oreilles. Ben, l'affaire, c'est que, bon. C'est difficile de prendre du recul sur des affaires de même parce que on est dedans. Tu sais, pendant qu'on est dedans, une fois qu'on réussit un peu à trier nos pensées diurnes, on dirait que les attaques sont davantage nocturnes, commencent à prémunir. C'est une affaire d'autorité. Si vous êtes capable de faire face dans votre vie de tous les jours à du monde, comme là, il a fallu que je fasse quasiment une leçon de morale à mon avocate. Il a expliqué que moi, c'est pas une question d'argent. Puis ça m'impressionne pas, moi, là. Le monde du barreau, de la même façon que c'est pareil les politiques, c'est pareil. Moi, que je me promène en ville, que je rencontre le maire de la ville ici, je vais m'adresser à lui avec la même politesse que si je m'adresse à un itinérant, par exemple. Dans le sens que j'essaie d'être correct avec tout le monde. Puis il n'y a pas de hiérarchie, tant qu'à moi. Mais il risque, bon, si vous n'êtes pas impressionnable dans votre vie de tous les jours par les gens, si vous n'êtes pas impressionnable, vous ne le serez pas la nuit non plus. C'est des impressions, les attaques. Ça revient au même que ce qui se passe le jour un peu. Donc, ben, c'est de vous créer une autorité. Puis même quelqu'un qui a rien, mais qui n'a jamais fait de mal de sa vie, il a une autorité. Il a une autorité morale. Puis je croise du monde des fois sur la rue, puis je connais toute l'histoire de leur famille, puis je le sais tout ce qu'un pilote a fait. Puis je suis au courant de tout. Parce que, bon, ma famille, ils savaient des affaires. Mais il risque jamais je vais me laisser impressionner par ce monde-là. il n'y en est pas question. Il n'y a pas de différence pour moi entre le maire de la ville puis un itinérant. J'ai le même respect pour les deux, dans le sens que ben, c'est des humains les deux. Puis c'est circonstanciel ce qui fait qu'un devient maire puis l'autre devient itinérant. Les forces qu'on parlait tantôt, le destin puis la fortune, je ne vais pas commencer à avoir de la déférence par rapport à des forces qui ne viennent pas de l'ego, puis après avoir faire par transfert, avoir de la déférence pour un ego. Parce que, bon, c'est tout ce qu'ils ont souvent à ce monde-là, c'est de l'ego. Manipuler les manipulateurs, est-ce non éthique? Ben moi, je trouve ça, c'est pour ça aussi que ça ne me dérange pas des fois d'enclencher les procédures quand je me sens léger, lésé. Quand je me sens léger, quand je me sens lésé. Mais il reste qu'à un moment donné, j'ai ma limite aussi. Je ne vais pas aller faire rire de moi toute ma vie devant du monde, devant des juges, dans le fond, qui s'en calissent. Puis que, tu sais, à un moment donné, le Christ, c'est moi qui vais servir à justifier les honoraires de ce monde-là, qui mange de la marde. Qui mange de la marde. En tout cas, le seul avantage, c'est que quand les structures cassent, certains mouvements deviennent naturels et on échappe à certains pièges. Moins. Mais moi, je suis encore. Genre, comme là, regardez, là, le fait que je ne veux même pas ça, je veux même pas voir sa réponse au niveau d'un arrangement à l'amiable, ça, c'est moi qui retombe dans certains pièges de ma personnalité puis de mon ego. Puis je le sais parce que tout de suite, j'avais ce qu'on peut sentir, ce qu'on pourrait appeler l'esprit. Qui s'agitait, qui disait, non, non, on continue, fais pas ça, arrête pas la procédure, puis prends le règlement. Puis moi, j'ai dit, ben toi, mange de la marde, c'est pas toi qui vas me mener, parce que l'esprit, c'est autant de la manipulation que le reste. Fait que je m'en fous, lui. Je m'en fous de lui. C'est pas parce que je travaille avec, de temps en temps, des fois, que je vais me mettre à plat ventre en avant de l'esprit. L'esprit, il sait pas c'est quoi un ego, être un ego incarné, il sait pas c'est quoi. Puis eux autres, c'est ben, tout est bien facile. Tout est toujours, ils ont tout le temps, comme s'ils savaient mieux que nous autres, mais ils ne savent pas c'est quoi dans le fond. Fait que non, c'est pas parce que, par exemple, comme l'esprit va me dire, ben, continue ta procédure, puis lâche pas que je vais le faire. Parce que lui tout, je l'envoie chier. Pareil comme toutes les autres crises de force qui font que, dans le fond, on est barouettés comme des marionnettes. Mais ben, à un moment donné, ça va faire. Ça va faire. Donc, j'étais tanné de la charge expérimentale de tout ça. J'ai dit non, moi, je cesse toute procédure. Dans le fond, j'ai gagné. Je sais que j'ai gagné. Puis, je vais toujours avoir l'esprit qui dit oui, mais c'est une victoire morale au niveau psychologique subjectif. C'est pas une victoire réelle. Puis, dans le fond, tu es le dindon de la farce, puis tu te fais complètement avoir. Oui, peut-être, mais pas partout. Dans le sens que. Ça me dérange pas des fois de plier devant du monde, mais jamais devant des hosties de force qui nous manipulent. Même si le monde, c'est ça aussi, dans le fond. Parce qu'en abandonnant, ben, d'une certaine façon, ben, je gagne aussi. Fait que, bon, le problème avec ça, c'est que bon, ça fuck certains projets. Mais c'est pas grave. Le seul avantage, c'est que oui, je suis d'accord. Ah bon. Donc là. Même, je dis à l'avocate, elle dit, bon, ben, s'il y a quoi que ce soit d'autre, venir au cabinet. Plutôt, je dis, s'il y a quoi que ce soit d'autre, je ne me défendrai pas. Je ne me défendrai pas. C'est là, je dis, à l'esprit, je dis, si t'es si fin, toi, arrange-toi donc pour que je n'aille pas à me défendre. Tu sais, je veux dire, ça donne quoi, là? Puis le pire, c'est que, d'une certaine façon, je savais tout ça. Je le savais comment que ça finirait. Mais dès que j'ai vu la deuxième juge, je l'ai senti. Puis là, lui, il était là avec ses excuses de COVID. C'est rendu l'excuse d'un tribunal pour ne pas se présenter. Ça a été ça pendant des mois. Puis les juges, ils avalent ça. Les juges, ils acceptent de collaborer avec ça. Puis elle sait que c'est démontré. Je l'ai vu dans sa face qu'elle savait que c'était démontré, mais j'ai aussi vu dans sa face qu'elle allait les accepter. Parce que dans le fond, ben, le gars, il ressemble à elle. C'est un esti de fendant qui se pense au-dessus du monde, puis au-dessus des lois, puis il est ben, ben, il a ben, ben, ben de l'argent. Fait qu'elle, la juge, dans le fond, c'est un petit trou de cul à côté de lui. C'est sûr qu'elle va avoir plus de déférence envers un gars comme lui, parce que d'une certaine façon, ils sentent de la même essence. Ça, je l'ai senti, ça. Ben oui, fait que dans le fond, esti, il n'y en a pas de justice, il n'y en a jamais eu. C'est un concept abstrait, psychologique, la justice. Même dans le temps que les Romains, là, qui avaient la statue de la justice, puis tout ça, puis ils savaient qu'au fond, ils étaient soumis aux caprices des forces. Ils savaient que c'était pas immuable, puis bon, des fois, la justice était injuste. Pour ça, dans la pièce de Shakespeare, Titus, à un moment donné, Titus, il envoie des flèches au ciel parce qu'il veut que la justice revienne. Il se rend compte qu'il n'y en a pas de justice. Donc, bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On a une force en nous qu'elle est cachée de nous. Moins. Mais moi, dans mon cas, bonjour, réseau. Dans mon cas, c'est souvent la personnalité psychologique qui va l'emporter sur des forces parce que j'ai un caractère, j'ai une personnalité, bon, qui est un petit peu, qui me nuit beaucoup, qui me souvent ennuie. Mais il reste que. Ça va faire, là. Hey, ça a coûté combien, là, à date? Je vais avoir un règlement, ça va même à peine. Voyons, là. Dans le fond, là, en arrêtant toute procédure, puis tout, là, j'espère juste que lui, ben, au niveau, je veux dire, c'est pas juste un pourri, c'est pas juste un animal social avec des instincts de prédation puis de préservation. Quelque part en dedans, il y a de la lumière aussi chez ce gars-là. Je suis assez lucide pour savoir qu'il y a de la lumière dans tout le monde. Ben, d'une certaine façon, en abandonnant toute procédure, j'espère qu'il va se sentir cheap, puis que peut-être ça va le travailler, puis je souhaite rien de mal, mais ça peut ressortir en cancer, ça peut ressortir en toutes sortes d'affaires. De toute façon, sa vie à lui est pas mal finie. Dans le fond, là, quand je regarde ça, là, puis bon, peut-être que. Et tout que c'est vrai qu'il était bien malade, même si c'est son excuse qu'il pouvait même pas texter personne, ça tient pas la route. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui manque de discernement. Ben, donc, ça veut dire que peut-être qu'il a acquis un traitement qui, à long terme, va lui nuire. Hein? Dans le fond, ben justement, à cause de la déférence envers ses semblables qui sont au gouvernement. Donc, souvent, je dis à l'esprit, c'est facile pour vous autres, c'est moi qui est sur le plan matériel et c'est un peu plus cru que ça, là, mais bon, moi, ben moi tout, j'ai ce rapport-là. J'ai ce rapport-là, dans le sens que c'est pas vrai que je vais accepter n'importe quel expérimental, puis tout le temps aller. Ben non. À un moment donné, il faut qu'il y ait de la gestion qui se transfère. Je ne vais pas accepter d'être le jouet de. Je veux que ce soit moi qui décide. Puis même là, je ne dis pas en tant qu'ego, mais au sens de Christ, c'est l'ego qui subit. C'est tout le temps, c'est l'ego qui endure tout ça. C'est lui qui est pris pour. Bon, ben, à un moment donné, Christ, si même l'esprit ne nous respecte pas, ben, on va se faire respecter. Parce que sinon, il n'y aura pas d'autre voie. Tu sais, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est aussi bien de. Parce qu'il n'y a pas de justice, il faut soit s'abstenir de faire avec Dieu. De où jouer la game manipulatoire pour se défendre. Moi, ben, j'aurais pu continuer, mais bon, j'en ai plein le cul. Moi, je suis écœuré. Je ne vais pas passer ma vie à m'astiner avec quelqu'un de malhonnête qui me met en pleine face. Puis en plus, les magistrats, ils donnent raison. Tandis qu'ils savent très bien, elle sait très bien, la juge, que c'était de la foutaise. Elle le savait. Elle le savait. Puis c'est par déférence qu'elle a accepté la rétractation de jugement. Donc, à ce niveau-là, c'est tant eux autres puis leur conscience. Moi, je m'en mêle plus. Pourtant, c'est moi qui étais lésé là-dedans. Mais il reste que qui mange de la marde. Puis c'est pas vrai, moi, que je vais servir de prétexte pour justifier des honoraires à l'un et à l'autre. Il n'y en est pas question. Tu sais, à un moment donné, là, contente d'être avec vous en live, comment vas-tu? Ben, ça va moyen. Ben, franchement, là, ça va moyen. Cet été, je considérais que c'était peut-être le dernier été où je pouvais jardiner tranquillement, que j'aurais un été normal. Puis, bon, l'esprit est tellement fin, il m'a envoyé un cave sur la côte qui restait rien qu'une dent dans la gueule pour tout raser le jardin. Puis, ça a été vraiment de même toute ma vie. Puis, tout le temps des affaires, je ne m'attendais pas à ça. Quoique là, ce matin, là, que la demande de rétractation a été acceptée, ça, je m'y attendais. Ça, je le savais. Mais même quand c'est arrivé, ceux qui sont venus raser mon jardin, j'ai été prévenu intérieurement. Mais genre avec 20 secondes, entre 20 secondes puis 1 minute de délai de trop tard. J'étais en tabarnak. J'ai dit, vous auriez pu. Comment ça se fait que je ne l'ai pas senti? de suite, en temps réel ou même d'avance. Mais non, il voulait que je m'enrage. Parce que quand je suis enragé, ben là, ils sont contents. Ils sont contents parce que, bonjour, Jean. Parce que là, tout d'un coup, ma parole, elle change de. Ça monte un petit peu plus haut. Puis je vais être porté à compenser en exerçant ma parole. Puis c'est ça le but. Mais oui, mais je suis pas pour passer toute ma vie en crise. À un moment donné, j'aimerais ça avoir des vacances, j'aimerais ça avoir la paix, que ça aille bien. Puis je le sais que ça ira pas bien. Bonjour, cellule or. Donc, bon, ben j'endure, puis j'attends. Bon, quelqu'un qui m'écrivait sur Skype. Au fait, t'es allé voir dernièrement ce qui a reçu depuis le temps. Non, je regarde même plus. Je regarde même plus. Je n'ai rien trouvé de mieux que de les ridiculiser. Je me demande parfois pourquoi, même si que ce n'est que de la compensation. Ben oui, parce que là, se ridiculiser, ils font ça eux-mêmes, là. Tout ce qu'il reste à faire, c'est souligner avec un crayon. Mais il reste déjà, au moins, c'est déjà ça. Je dois vous laisser. Bonne soirée, Virginie. Bonjour, Clémentine. Donc, l'affaire, c'est que oui, on va être amené à faire ce qu'on a à faire, qu'on le veuille ou pas, mais ça va pas prendre les formes qu'on pense nécessairement. Puis, c'est juste tellement. Des fois, je regarde ça, même je l'avais dit, je pense que ça fait 5-6 ans, j'avais dit, ben, les gens, et ces gens-là, ils nous prennent pour des imbéciles, puis ils nous gèrent comme du bétail, mais on leur donne raison. Je parle collectivement, là. Individuellement, je me suis tout le temps arrangé pour demeure égale, toujours en crise. C'est pour ça que Bernard disait qu'il était toujours en vibration. Ben oui. Ben, c'est parce que, oui, je suis moins émotif qu'avant, mais je suis sensible pareil. Au niveau de mon système nerveux, je suis encore bien ben sensible, puis même plus ça va, plus bon. Puis quand je regarde là, ce qui vient, là, c'est sûr, quand on. Bon, ça va me faire moins mal quand ça va arriver parce que je suis au courant, mais il reste que. En tout cas, j'entends souvent cette phrase, plus tu es dans la lumière ou la vérité, les forces s'amusent avec nous. Parfois, je me demande à quoi ça sert cette vie terrestre. Bon, vous savez, juste se poser la question, c'est se faire avoir. Dans le sens que, bon, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Je veux dire, la conscience qu'on développe dans le plan matériel, elle ne pourrait pas se développer ailleurs. Donc, à quoi ça sert? Ça ne sert pas l'ego, là, c'est sûr. Donc, on est. En tout cas, on n'a pas besoin de le ridiculiser, ils le font eux-mêmes tout le jour. Ils nous montrent. En plus, ils se prennent pour les intellos. Ben oui. Ben prenez Jean-François Lisée, qui a crissé le PQ à terre, pour vrai, là. Ben, tu sais, je veux dire, le PQ, ça a tout le temps été une coalition entre une aile gauche puis une aile droite. Puis lui, il a congédié l'aile droite. Fait qu'il a crissé son parti à terre. Puis là, il est rendu, là, il est dans les postes de télévision. Puis il est bien content de la carrière qu'il a, dans le fond. Puis lui, ce gars-là, sa conjointe, c'est une femme dans le supramental. Ouais. Puis, elle était allée déposer un mémoire quand il y avait eu la commission sur les accommodements raisonnables pour dire on est né nu, puis blablabla. Elle s'est ridiculisée, puis même Infoman y a repris ça pour rire d'elle. C'est sûr que c'était ridicule. C'est pas du supramental. Ça, Chris, c'est de la pop psycho de comptoir de sous-sol arabais. C'est ça que c'est. Ça n'a rien à voir avec le supramental. Rien, mais rien, mais rien, mais rien, mais rien. Puis si son monsieur Lisée était là, ma conjointe, elle m'a beaucoup appris. Elle m'a beaucoup. Ben oui, mais comment ça se fait qu'il est cave de même, lui? Comment ça se fait qu'il a détruit son parti de même? C'était tellement pas intelligent. C'était tellement pas intelligent qu'un ployé est là, puis il parle à la télévision avec le portrait de Martin Luther King en arrière de lui. À un moment donné, Chris, c'est quoi, là? C'est donc bien. Tu sais, c'en est un intello, ça. Ben, entre guillemets, parce que l'intellect, en tout cas, aujourd'hui, cette avocate débute une émission de TV. Quel cirque. Ah oui, attends, là, je sais pas, vous devez parler d'autres choses. L'oiseau manqueur n'a plus d'humour de qualité, ça m'aide souvent à passer à travers la journée. Je te donne le pourquoi dans mon cas. Okay. J'ai aimé tes trois capsules audio dernièrement. Ben, il y en a quatre. Ça a fait monter de la colère. Ben, je me demande si je ne pas rien qu'à ça. Pourquoi est-on obligé de passer par le matériel pour faire la fusion? Pourquoi l'esprit ne descend pas directement dans l'astral? Parce que pas de même que ça marche. Voyons, une conscience désincarnée, ça peut exister, mais ça ne se forme pas dans le désincarné. Tu sais, je veux dire, pour comprendre certains principes par rapport à la vie, il faut être dans le plan matériel. Il n'y a pas d'évolution en dehors du plan matériel, dans le sens où vous pouvez avoir des fois à vous rendre compte qu'il y a, oui, il y a de l'intelligence de haut niveau, mais ça va toujours s'être formé en lien avec les lois de la vie. Donc, bon. Puis regardez juste les forces, les fameuses forces cosmiques qu'on voit dans toutes les vieilles théologies, dans toutes les vieilles formes de cosmogénèse. Puis on le voit bien que c'est pas conscient. La conscience, il a fallu a pris des individus incarnés pour que ça apparaisse au profit de ces hosties de forces-là, que dans le fond, c'est une gang de Prenez dans le temps, là, les Jeux olympiques, c'était fait pour le divertissement des dieux. Voyons. Hey, là, je veux dire, regardez l'histoire des forces, l'histoire des divinités, puis vous allez voir que c'est des forces inconscientes, que c'est tout inconscient. Même, j'irais même jusqu'à dire, Dieu, c'est de l'intelligence, mais c'est pas de la conscience, on le voit bien. On le voit bien, je veux dire. Bon, en tout cas, bonjour Bertold à tous, bonjour. Lisez a des liens avec le nerf brit. Et voilà. Ça. Prenez quand ils ont nommé Michael Applebaum, maire de la ville de Montréal, par intérim. J'étais plié en deux. J'étais plié en deux. On le sait, c'est qui? Je veux dire, c'est le père de Moïse Applebaum. J'ai-tu encore vivant le bonhomme Applebaum? Je ne sais pas. Mais c'est le nerf brit. C'est toute de la maçonnerie. Ils sont tous là-dedans, Chris. Tu sais, à un moment donné, là, ça va faire. Ça suffit. Pourquoi c'est tabou? Pourquoi c'est tabou? Pourquoi, quand il y a des commissions d'enquête sur la collusion, il n'est jamais question de la collusion qui peut se faire à ce niveau-là? Ça, non, ça n'existe pas. Hey, là, Chris, ça va faire. Même les petits groupes sociaux, là, comme les Kiwanis, puis ces affaires-là, quand on regarde les cartes des villes, c'est fait sur des lignes, les mêmes lignes telluriques. Puis vous regardez les lignes telluriques, vous vous rendez compte, ils font les églises sur des points. Après, vous regardez les lignes, hop, par là, il y a une patente qui appelle le Rotary Club, par là, oups, le royaume, la salle du royaume des témoins de Jéhovah, puis c'est toute la même crise d'affaires. OK? En haut lieu, là, toutes ces affaires-là, c'est gouverné peut-être par le même monde. Puis ça paraît juste à regarder des cartes de petites villes pour s'en rendre compte. À un moment donné, j'en revenais pas, je regardais une ville où je vivais, je regardais la carte comme il faut. Puis, tu as les lignes telluriques, vous aviez les églises, la ville, après, les salles du royaume des témoins de Jéhovah, vous allez continuer vers la banlieue, puis là, whoop, les salles du... puis là, il y avait d'autres lignes, puis ça faisait un triangle parfait, puis là, où ça se rejoignait, pouf, il y avait un monument payé par les Rotary, puis vous, après, vous recheckez, vous refaites le plus whoop, pouf, un parc, le Club Lion, puis vous nous prenez pour des épées à ce point-là. Tu sais, à un moment donné, là, des fois, ils font tellement ridicule que je me dis que bientôt, les montrer comme bons et intelligents sera la seule façon de se moquer d'eux. Toujours, j'ignore pourquoi je fais ça. Ben, faut bien que quelqu'un le fasse. Faut bien que quelqu'un le fasse. Qui va le faire? Je veux dire, ça veut se manifester. C'est des forces de... La fusion, c'est comme l'école. On va des années à l'école pour avoir un diplôme, la vie c'est pareil. En plus, hein, on n'est pas sûr de fusionner, tout le monde n'obtient pas le diplôme. Ouais, mais là, c'est une question de capacité, on dirait. Dans le sens, même Bernard, il n'a jamais fini sa fusion. Il l'a dit. Puis après lui, il y a du monde qui dit qu'ils ont vécu deux fusions. Il y en a un que je n'aimerais pas, lui a vécu la deuxième fusion. Il y en a un autre, elle a vécu cette fusion. Hey, là, tabarnak, là, vous voyez pas que la fusion, c'est progressif, puis que c'est tout le temps le même phénomène? Continue, on va pas se mettre à dire, ah, ben là, j'ai fini à 75%, tel niveau de fusion, puis on est en train de devenir cave comme des. Comme tout ce qu'il y a eu avant, je veux dire, des enfants qui se prennent pour des seigneurs, ben c'est tout le temps ça, seigneur. C'est quoi un adulte? C'est un enfant avec de l'expérience. Ça ne veut pas dire que certains écarlates devant l'éternel, la stupidité humaine, me surprendra toujours. Ben moi, je suis plus bien surpris, c'est plus je suis lassé. Là. Je commence de plus en plus à être... J'en ai ras-le-bol, je comprends pas pourquoi... Chaque RDV, rendez-vous que je prends, j'ai affaire que des personnes de mauvaise foi et je parle très clairement, on dirait que mes interlocuteurs ne m'entendent pas. Ben, vous savez, à un moment donné, il va falloir se rendre compte que il y a une majorité de monde qui sont de même. Il va falloir, tu sais, c'est aussi l'accepter. Dans le sens que c'est des faits. C'est factuel. Donc, on ne pourra pas. Tu penses qu'on est allé réellement sur la Lune, je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Je veux dire, c'est pour ça, là, des affaires de même, moi, personnellement, je m'en fous. Tu sais, je veux dire, bon, on sait que ça sert à justifier des budgets, on sait que, bon, qu'ils soient y allés ou pas, c'est pas ça, moi, que je regarde. Moi, ce que je regarde, c'est à quel point c'est inutile. Chris, on est sur le bord. Ils sont là à nous faire croire qu'on va tous mourir dans pas long, là, parce que la Terre, il y a des changements climatiques, d'ailleurs, qui suivent des cycles comme on a vu anciennement. Pour regarder anciennement, à un moment donné, le Groenland n'était pas comme il est, parce qu'il y a eu un certain réchauffement. À l'époque de l'ère glaciaire, il y avait plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère que maintenant. Puis, non, là, on va tous crever, mais là, il faut aller sur la Lune. Je veux dire, moi, c'est pas. Je regarde, je m'en fous qu'ils soient allés ou pas. Ce que je regarde, c'est le prétexte. Puis à quel point ils servent de ça pour subjuguer les gens. Parce que dans le fond, on s'en fout qu'ils soient allés ou pas. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Dans le sens que c'est pas, il n'est pas là le problème. Il est pas. Je crois que ceux d'entre nous qui voient, ça nous rappelle au moins qu'on n'est pas seul ni fou. Ouais. Lisez Sachum Abidbol. Oh, je ne sais pas. Jean-François Lisée, là, j'ai jamais vraiment fait aucune réelle recherche sérieuse sur son cas parce que ce qu'on voit il me suffit. Puis, es-tu assez plate? Je veux dire, je fais un qu'elle vous. Bon, en tout cas. Oui, il va falloir quoi pour que David gagne contre les Philistins? Il faut de l'organisation, de la détermination, savoir viser juste. Ouais, puis là, c'est vrai, ça. Je veux dire, les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu vois, Yavi, il a dit qu'il faut exterminer ça. C'est écrit, là, il saute. OK. Mais il reste qu'on a retrouvé des tombeaux de Philistins, puis ils sont grands, hein? C'était du grand monde. Mais est-ce qu'elle est... Bon, tu sais, ces histoires-là, à un moment donné, tu dis souvent qu'on doit souffrir pour évoluer, mais c'est assez New Age comme raisonnement, je trouve pas. Regarde, là. Alors, regarde la réalité. Alors, regarde, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu as acquis de la conscience dans ta vie? Ou qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment donné, se ramasse en une certaine créativité, une certaine puissance dans sa vie? C'est au niveau de l'intégration de l'expérimental. C'est-à-dire que au lieu de subir inconsciemment de la programmation, il a fini par avoir une intégration. Ça n'a pas rapport avec le New Age. Donc, bon. Ça va viser juste. Bon, je ne le vois plus. Je ne trouve pas que c'est New Age pour ma part. C'est un fait que j'ai constaté dans ma propre vie et celle des gens qui m'entourent. Et voilà. Je veux dire, ça n'a pas rapport avec le New Age. Le New Age, c'est le contraire. Dans le sens que la souffrance va s'arrêter parce que les forces de la lumière vont prendre le contrôle. Puis là, il faut se laisser faire puis se laisser collaborer avec ça. Oh, ouais, parce que l'affaire, c'est que c'est pas de même la marche, là. C'est pas ça non plus qu'on constate. Selon certaines personnes qui étaient dans des groupements, même aujourd'hui, on serait supposé être dans le nouveau monde merveilleux. Le voyez-vous, le nouveau monde merveilleux qui s'en vient? Comment ça n'a rien de nouveau? Puis ça n'a rien de merveilleux, je veux dire. Tu avais parlé que ça partirait en sucette en octobre. Mais tiens-tu toujours ceci? Ben oui. Je suis dit yes, moi. Ben, tu sais, c'est une autre affaire, ça. Je veux dire, l'être humain, il s'égare tout le temps. Il fait, c'est tout le temps comme cette dame-là, là. Bon, il y a des choses qu'elle a rendues publiques que c'était vrai, mais elle s'est complètement discréditée elle-même. Pourquoi pas avoir publié sous un pseudonyme? Tu publies du factuel vérifiable sous un pseudonyme parce que juste le fait de... Bon, en tout cas, ça a été contre-productif, je trouve. Potter, c'est pas New Age chez Berthold. Vous avez vous trompé de chaîne, si je vois bien, moi. Bonjour à tous. Je plains ceux qui n'ont jamais vraiment souffert. Ça va tellement leur faire mal. Ben, c'est ça. Ben, dans le sens que c'est eux autres les plus faciles, ils vont servir la bibitte, là, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose, mais je me suis auto-radié de la liste électorale. Ça a pris 2 minutes. Ah bon, moi, ils ne m'ont même pas envoyé rien. Ça a l'air que je ne suis pas dessus. Je veux dire, ils ont mon adresse, tout est bon. Puis je l'ai même poursuivi. De toute façon, pour qui vous voulez que je vote? Tu sais, je vais être franc avec vous autres. Ça fait longtemps que, bon, je ne crois plus bien à ça. Là. Dans le sens que je parle clairement et articule convenablement, mais ils n'entendent pas. Et ce qui m'énerve, c'est que je dois réitérer ce que je dis et ça m'oblige à me mettre en colère. Ouais. Ben, des fois, il y a des filtres chez les gens. Ils entendent juste ce qui fait leur affaire ou ce qui ne fait pas leur affaire au niveau de leur polarité. Puis ce qui est entre les deux, ils ne l'entendent pas. Puis ils ne le verront pas. Puis bon. Moi, je peux vous faire ma prédiction pour parler des petits qui semblent n'avoir aucune chance contre le Goliath des forces obscures sur la Terre. Les petits abandonnent et font n'importe quoi. Bon, je dois être un petit. Tu veux bien donner quelques changements qu'on va voir à partir d'octobre? Les gens votent tous pour Hélène Desmarais. Ouais. Il y en a une qui est morte, une Desmarais, mais c'était la femme de l'autre, là. En tout cas, bon. On n'est pas obligé de se tenir au courant de tout par rapport à notre féodalité aristocratique non plus, là. Mais bon, vous êtes trop fâchés suite au procès, allez faire claquer des élastiques. Je me fais claquer d'élastiques. Ça va faire sortir le machin, non. Non. Ben non, on va pas aller déranger tout le monde, là. Qu'il y a sûrement 48 heures dans une journée, moi. Bonjour de France, bonjour. Vous savez, là, comme qu'est-ce qui va arriver en octobre? Ben, je peux vous prédire que la CRAQ va être réélue. Pas mal sûr. Puis, bon, la CRAQ va être réélue, elle va être peut-être minoritaire. Ça se peut. Puis là, on va possiblement se ramasser avec Québec solidaire comme opposition. Désolé, mais le problème, c'est que les vieux, ils votent tous pour la CRAQ, ils ont un sérieux syndrome de Stockholm, fait qu'ils votent tous pour la CRAQ, puis les jeunes, ils votent tous Québec solidaire. Ils sont trop jeunes pour savoir c'est quoi le communisme. Ils sont trop jeunes pour savoir c'est quoi les réseaux néo-trotskistes des universités qui est brainwash depuis... Ils savent pas. Donc, ils vont voter bon. Bonjour de Nantes. Ah, bonjour à vous. Donc, bon, on va se ramasser avec ça. Je le vois comme ça. Je pense vraiment qu'il y a aussi peut-être du M qui va rentrer un peu. Fait que possiblement qu'on va se ramasser avec une opposition, surtout composée de Québec solidaire puis de les conservateurs d'Éric Duhem, qu'on pourrait appeler même progressiste conservateur. C'est pas un oxymore assez fort pour décrire c'est quoi ce parti conservateur-là. Parce que, bon, tu sais, le gars, il est élevé par des hippies. Puis, il est influencé énormément par ses professeurs au niveau des libertariens américains, entre autres, puis par lui-même aussi. Donc, ça va donner quoi, ça, une affaire bâtard de même? Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner comme... Il appelle ça le parti conservateur. Mais c'est pas le parti conservateur des bleus dans le temps, là. Ça n'a rien à voir. Pas vrai. Les vieux ici ne votent plus du tout. Ben, ils vont voter. Il y en a, ils vont voter à leur place. Regardez bien ça. au Québec comme bien ailleurs, il y a même du monde. Bon, ben oui, je perds du temps sur ton live. Ben oui, mais je t'ai pas forcé à venir ici. Sauf si quelqu'un qui m'écrivait sur Skype. Pas vrai, les livres. Est-ce que la pensée crée? C'est un support, la pensée. Fait que c'est pas elle qui crée. Pourquoi ça t'affecte autant à la politique? Moi, en France, je n'y regarde plus rien. Pourquoi ça m'affecte autant? OK. Bon, ben, vous, là, avec ce qui va suivre, là, bon, on vous demandera pourquoi ça vous affecte autant. C'est parce que vous ne voyez pas ce qui s'en vient. Ça vous tente, vous, que c'est le gouvernement qui décide ce que vous allez manger, puis la quantité, puis c'est votre affaire. Peut-être que ça vous affectait plus la politique, Chris, il n'y en aurait pas de Macron. Puis il n'y en aurait pas de Jacques Attali depuis des décennies, si vous étiez un petit peu plus affecté. S'il y avait un petit peu plus de colère puis de lucidité, ça serait impossible. Est-ce que l'Europe serait devenue une colonie des États-Unis avec rien que des traites qui regardent juste les intérêts des Américains? C'est les Américains, vous allez tout passer au cash, puis c'est pour les faire survivre sous perfusion, les Américains que vous allez passer au cash. Peut-être que collectivement, si ça vous affectait un petit peu plus la politique, puis que vous seriez moins à écouter des crises de niaiseries comme on n'a pas toute la soirée, puis des affaires de même, peut-être que oui, ça vous affecterait plus, puis que tout ça serait impossible. Jacques Attali serait impossible, Emmanuel Macron serait impossible, puis le baron de Rothschild, il serait allé se cacher dans une de ses résidences secondaires qu'il y a dans des hosties d'îles de paradis fiscal, que c'est toutes des petites crises d'îles britanniques. OK? Puis, si vous ne le voyez pas, que la guerre qu'il y a eu d'indépendance entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, il y a un jeu de dupes là-dedans, puis dans le fond, c'est le même empire. C'est le même empire. Puis, dans le fond, c'est quoi le bloc de l'Ouest? Vous êtes des putains, Chris. C'est ça, la France. Pareil comme nous autres. On est tous des hosties.